parler de soccer à Chipougamau avec notre ami Yannick Harvé. Salut Yannick. Salut Yannick, oui, il y avait encore des matchs cette semaine à Chipougamau. Eh oui, c'était notre troisième semaine ici à Chipougamau au niveau local. C'était quand même très excitant, mais il a mouillé une bonne partie de la semaine. Malgré cela, on a eu une présence de nos joueurs, là, des joueurs de soccer assez tough, merci. Pas peur de fondre à la suite, là. Puis non, c'était vraiment le fun, c'était vraiment un plaisir. Même les 4 ans étaient là, c'était écœurant là, de voir ça. Mais là, il s'habitue vite parce que le soccer, c'est comme le football, le beau temps, mauvais temps, on joue. Ah, c'est en plein ça. Puis c'est ça qui est un peu c'est ça qui est intéressant au soccer, c'est que sous la pluie, là, ça joue pareil, puis il n'y en a pas de problème parce que justement, les joueurs, même sous la pluie, ils ont de l'intérêt pour jouer la partie qui est si vous vous rappelez bien, là, on appelle ça le beau jeu. Ah, effectivement. Si on est avec les résultats. Oui, avec les résultats, si on regarde au niveau des ligues régionales, en fin de semaine, on avait le U12, le Céleste de Chibougamau, qui a joué une partie à Jonquière et à Alma. À Jonquière, c'était notre première partie de la saison après quelques semaines de pratique. Le temps d'organiser la chimie. En première demi, c'était quand même bien. Je te dirais que Jonquière avait peut-être joué un ou deux matchs avant nous. Fait qu'il y avait eu le temps de réorganiser un peu leur effectif. Okay. Le match s'est terminé 5-1 pour Jonquière. Malgré cela, nos joueurs étaient quand même satisfaits de leur performance. Et ça s'est reflété dans le deuxième match à Alma, car la première demi du match à Alma, c'était 0-0 contre Alma. Et on a eu des chances de marquer incroyables. Les joueurs se sont démenés, mais il manquait de précision, on manquait le cadre, on manquait le but. Alors en fin de match, on a terminé le match 2-0. Alors selon moi, qui était sur les lignes de touche, j'ai vu une grande amélioration du côté de nos joueurs, puis du côté de la chimie, puis aussi des techniques que les joueurs ont appliquées durant. Ça va quand même assez bien pareil. Ça va quand même. Je vais te dire une affaire, là. Ça fait pas 50 ans là, que vous êtes dans. Non, ça fait 5 ans. Puis je te dirais que nos joueurs grandissent avec nous autres, grandissent avec le club. Puis tranquillement, pas vite. On fait bien, on fait des bonnes choses. Puis je te dirais que les victoires vont venir là dans les prochains matchs. Je te garantis pas des victoires, mais ce que je te garantis, c'est du meilleur jeu par exemple. Okay. Du côté de la Ligue senior Division 3, le Céleste de Chibougamau en Ligue senior est allé gagner son premier match de la saison. Rappelons-nous qu'on avait annulé ici à Chibougamau contre le FC de la Baie. Et à Roberval, contre le United de Roberval, le Céleste a gagné 4-2. Okay. Première demi, 2-0. En début de deuxième demi, il y a comme eu un petit relâchement. C'est normal, je pense que c'est le début de la saison. On était très très excités là du résultat. Puis le United a compté 2 buts, alors 2-2. Mais on est revenu en force avec 2 autres buts, ce qui est le résultat final 4-2 pour Chibougamau. Par la suite, comme on vient de loin, ben on joue toujours 2 matchs lorsqu'on se déplace à l'extérieur pour profiter aussi du déplacement parce que ça coûte quand même assez assez cher là lorsqu'on se déplace en autobus ou même encore en véhicule personnel. Hey Yannick, avant de ça, Chipougamau normalement là au hockey, oui. Formant Field, ok, avec les ambassadeurs. Puis je pose toujours la question à Rock, Rock Beaulieu, c'est plus lui malheureusement là, qui est close, mais je disais tout le temps, ça paraissait-tu un deuxième game, la fatigue, ainsi de suite. C'est-tu la même au soccer, ça paraissait-tu un deuxième game? Ben, moi je dirais que oui, mais ce que j'ai remarqué dans le U12, en fin de semaine passée, c'était le contraire. Okay. C'était comme une reprise de conscience, puis des stratégies, puis. Par ça contre, a du mal. Je te dirais que dans le senior, ça a peut-être paru au niveau mental, car on s'est rendu à Dolbeau pour le deuxième match, qui était à 18h dimanche soir dernier. Et dans les 20 premières minutes, il y a un de nos joueurs qui essayait de récupérer le ballon, qui a fait des tacles, mais des mauvais tacles. Il rentrait dans les jambes des joueurs, fait qu'il a reçu un carton jaune. Il en a reçu un autre quelques minutes par la suite. Et bien entendu, 2 cartons jaunes, qu'est-ce que ça donne un carton rouge? Il a été expliqué. Okay. Et par la suite, ben moi je pense que Dolbeau avait peut-être certains de nos joueurs pensent que Dolbeau était venu regarder le match à Robertval, avait envoyé peut-être un éclaireur, si on peut le dire ainsi, mais j'en suis pas certain, c'est une hypothèse là, que je lance comme ça, parce que ils ont vraiment ciblé les joueurs, des joueurs importants dans notre club de Chibougamau. Durant la rencontre, quelques minutes après le premier carton rouge, il y a un joueur de Dolbeau qui a intimidé et qui a menacé un de nos joueurs, peut-être pour le faire sortir du match. L'arbitre a entendu les menaces et s'en venait sur le joueur en question avec son carton rouge dans les mains. Sauf que notre joueur, bien à ce moment-là, sous les menaces, bien, il a réagi lui aussi. Alors, il a poigné l'autre joueur sans le frapper, il l'a poigné par le collet, puis alors, les deux joueurs ont été expulsés. On a fini le match 10 contre 9 sur le terrain. 10 pour Dolbeau, 10 joueurs contre 9 joueurs de Chibougamau. Et vous comprendrez qu'à 9 joueurs sur un grand terrain de soccer, ben c'est difficile d'avoir des bons résultats. C'était 2-1 à ce moment-là, puis le match s'est terminé. Comment que ça se passe, l'arbitrage? Parce que moi, je dis que je trouve ça ridicule, mais qu'au soccer, il n'y a rien qu'un arbitre. D'ailleurs, j'espère qu'avec toute l'histoire de la FIFA, que ça va profiter de la situation pour réglementer un peu... mais un arbitre, comment est l'arbitrage? Présentement, c'est sûr que si je regarde l'arbitrage en Ligue régionale, ouais, présentement, c'est très bien. Je te dirais que les arbitres sont très conscients, sont rapides dans leurs décisions, prennent de bonnes décisions. J'ai eu à m'en mêler à quelques reprises, car j'ai été capitaine durant une rencontre. Puis j'ai eu des discussions avec les arbitres. Ça s'est passé convenablement. On a eu des bonnes discussions, mais l'arbitre avait des bons arguments, puis se déplace assez rapidement sur le terrain pour prendre ses décisions. Lorsque on pense à un deuxième arbitre, un petit peu comme peut-être la Ligue nationale de hockey a fait quand ils sont passés des années 90 aux années 2000, ils ont ajouté un arbitre. Moi, je trouve pour se partager la tâche sur la surface de jeu, parce que c'est un jeu qui est quand même assez rapide. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à voir au niveau international, puis peut-être plus tard dans les ligues là, provinciales et régionales. Mais le vidéo, là, on est en 2015, là. Faudrait peut-être un jeu dans les hauteurs des stades, là, avec les différentes caméras, les différents angles de caméras, avec un casque d'écoute. Ouais. Parce qu'ils les ont, les casques d'écoute, présentement, juges. Ils communiquent avec les juges de touche sur les lignes. Et ça pourrait être aussi une communication avec un quatrième ou cinquième juge, parce qu'il y a déjà des fois des quatrièmes juges qui sont là pour faire des changements sur les lignes de touche. Mais ça pourrait être un cinquième juge dans une salle vidéo qui regarde puis qui communique directement avec son arbitre central qui gère le match, puis qui lui dit « Hey, écoute, moi, ce que je viens de voir, là, c'est vraiment un tact, je sais pas, moi, dans les pieds du gars, pas sur le ballon. Alors, sors ton carton rouge. » Puis, il me semble que ça se ferait assez rapidement. Les ligues locales, maintenant. Dans les ligues locales, présentement, dans notre U10, il y a eu un match de jouer, parce qu'on a bien entendu, comme je pense que je te l'avais dit dans les dernières semaines, on faisait des pratiques. Ouais. Cette semaine, c'est les ligues locales qui commençaient. Les jeunes n'ont pas déterminé les noms d'équipe, mais c'était les oranges contre les bleus. Et les bleus, ben, c'est le bleu Desjardins, ça c'est certain, parce qu'ils ont un commanditaire. Alors les bleus Desjardins et les oranges dans le U10 local, ça s'est terminé 3-3 cette semaine. Alors un verdict nul. Marqueur, Christopher Harvey, Daphné Beaulieu. Puis les autres, ben ça m'échappe pour l'instant. Et dans le U12, ça s'est terminé 4-1. Marqueur pour les oranges, on parle ici de Thomas Letourneau. Et pour les bleus, on a Lorio Rakoto Harrison. Nous avons Guillaume Boulanger, 2 buts. Et aussi un but du côté de Ludovic Périgueux. Okay. Hey, dis-moi, il va-t-il avoir un tournoi cette année à Chibougamau? L'année passée, il y avait eu un avec Marie-Mé et tout ça. Là. Est-ce que ça va être... Oui. Toujours un tournoi à Chibougamau. C'est notre deuxième édition de la Coupe Nord du Québec. Alors, on invite, dans le fond, les équipes de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean à venir nous visiter. On habite, dans le fond, on est dans la même association régionale. Alors, vous n'avez pas besoin de passeport, de permis de voyage. Il y a une douane dans le parc de Chibougamau, quoi? Y a-t-il une douane dans... Non, non, okay, non, non, non, non, non, non, non, comme on fait partie de comme on fait partie de la même association régionale, les clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'ont pas besoin d'avoir un permis de voyage pour venir à Chibougamau. Par contre, les clubs des autres associations, j'ai reçu un appel de Sainte-Terre où il y aura peut-être deux équipes d'intéressés à venir justement durant notre tournoi. Alors là, je leur ai dit, ça va te prendre ton permis de voyage parce que toi, tu fais partie de l'habitude. OK. Bon, donc ça fait pas mal le tour cette semaine, Yannick? Oui, ça fait le tour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Même poste. Donc, c'était Yannick Harvick, le président de l'association de soccer de Chibougamau.